You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air, KFAI, Fresh Air Radio. Et le programme que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter à bonjourminnesota@gmail.com. Bon. Et voilà, bonsoir, bonsoir. Bravo, bonsoir. Bonsoir, ah. Freddy, comment ça va? Ben ça va, ça va. We forgot the cheat sheet, so we had to like make it a little bit shorter. Voilà, on change, on improvise, on s'adapte. Yeah, we gotta do that. Un peu comme les JO à Paris, a little bit like we try to adapt and change. Yeah. When we, a little bit like the Olympic Games in Paris, it sounds like. Yeah, or politique. Or, yes, anything that goes with France, I suppose, right now. No, the US is not bad either. I mean, it's quite a mess in both. I mean, you know, we have... I mean, I have dual citizenship, and I cannot say that one country is, you know, like at some period of times, you know, some people were saying, well, you got dual citizenship. If something goes wrong here, you can go there. Or if something goes wrong there, you can come back here or whatever. But no, it's the same mess. Yes, it's not a great competition to be in. It's not the best not thing to one. Compete for, but it happens. It will get better. Yeah, eventually. So why are we talking about that? We're obviously talking about the French elections also coming up, the runoff coming up this Saturday here and Sunday in France about the House of Representatives, the Assembly of France. Mm-hmm. And so there was a last minute vote that's very important for composing the French Parliament. Mm-hmm. And, exactly. And so, yeah, that's a little bit of a time of like unknown now because really there was a first round last weekend. Right. And there is a huge wave of the far right in France that is bound to be confirmed or elected at the French Parliament. Yeah, there were 89, I think, of their representative that were elected straight off. So, straight up, so on the first round, you have about maybe like 8 candidates with different parties, mostly the main ones, but you also have some smaller ones. Mm-hmm. So you get 8, and we had around 8. It depends on where you are in France. Mm-hmm. But the deal is if you don't get like a full majority, you have a runoff. So that's happening for us, for the North America. And because nobody had the full majority, nobody went ahead, straight ahead. But the two best ones are moving forward for the second round. For they're the very close. Runoff. Yeah, they are like 2 points different, two like points 38 difference. And it's, 36. It's two political parties. There's the center. Central right, the president's party, Macron, so that's... No, he's out. Roland Lescure? Roland Lescure is not Macron. I didn't think so. Yeah. He's right. He's more with the right, yeah. And you have, so more like right and the left. And the left. And the left that made like a... that had an agreement. So like the person who... for the first circumscription of... the French outside of France, the guy is ecologist, but he's with the Green Party. Mm-hmm. But there's some other areas where, some other candidates from other parties from the left are going to be all represented differently. So it's a big negotiation with the parties and stuff. So, yeah, so... Saturday, second round for the U.S., North America, I would say, and even the Caribbeans. And on Sunday, everybody votes. But for the North America, we had the opportunity to vote online as well. So people who wanted to are far from a voting poll location could vote online on this election. That was not possible for the European election. That was early June. But for this one... it is. So I'm not sure what the criteria are. I think the fact that it's a rush split of the House might make it like in a way that they want to accommodate a little bit more. So, but yeah, so that's the big deal right now. The far right is way ahead with like 89 candidates, and they look like they might be one of the biggest group at the National Assembly or the House of Representatives. And the Macron, who didn't have an absolute majority, is seeing his party shrinking even more. The regular right is shrinking quite a bit too, and the coalition on the left is increasing because they're all together and they don't split their votes yet. All right. Yep. So more to come. Yep. And yeah, did you see also there was a conference press of the president about like the Supreme Court? The Supreme Court ruling, like the rule that the president could be immune to some degree. So he seems concerned that some abuse could be generated from it. I don't know, because I'm no lawyer, no legislator, but I think if there's a way to abuse it, someone's going to find a way. So because it's July 2nd and yesterday was July 1st and in 2 days it's July 4th, the playlist tonight, normally I would have done like half of songs about Canada and half about the U.S., but based on the France political situation, we are just going to listen to, the first song is going to be O Canada for Canada Day. And it's from Sultans of String, which I had the chance to see at the Cedar. And then the second song is La Bannière Étoilée, or the Star-Spangled Banner, but in French. And it's sung by Les Amis de la Louisiane, the Louisiana's friends. So, and then the third song is going to get us started on a playlist that is anti-fascist, anti-Front National, anti, you know, whatever you want, or pretty much anti-extreme. So the third song we're going to listen to is from Size, and we're going to listen to Fils de France, Son of France. And there's been like throughout the years and decades and things, there's been like various songs about artists calling off, you know, the extreme rights, and they keep on going, unfortunately. All right. On y va. C'est parti. Espérer notre pays. 10% des 18-25 ans n'ont pas voté. L'inimaginable se produit. Vous imaginez si les présidents, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous? J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des lumières, amnésie suicidaire. Qu'on fera pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. Hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois. Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes Et voilà, voilà. Yay, we're back. So what did we listen to, Freddie? So the very first song was O Canada. It was the bilingual version from Sultans of String. Mm-hmm. So in English and in French. Yeah, that was cool. I thought so. And then La Bannière Étoilée, or the Star Spangled Banner with Les Amis de la Louisiane. And then just now was Saez, Damien Saez, with Fils de France, Son of France. And he's talking about the political situation at the time, that was probably like 2016. So that was probably like the first term of Macron yep. that he was referring to. All right, well, we're going to keep on going with this playlist. Mm-hmm. We'll talk about the events a little bit later. Just keep in mind that on Sunday, July 14th, at Bastille Day, the Alliance Française is organizing Bastille Day. So I hope they can, if we are in final, so the Euro 2024 is going. And France is playing on Friday at 2 o'clock, and we are playing. That's quarterfinal. It's right? Quarterfinal, yes. They're playing Portugal. But the final is on Sunday, the 14th at 2 p.m. So, which is Bastille Day? Yes. So I hope they have TVs. Exactly, because we're on top of that, we are planning on broadcasting live on KFAI from Bastille Day. So, I hope they have but TV. We'll see. Peut-être qu'on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. That is true. We have to go to the final first. I mean, like we get to pass the quarterfinal and. I've read an article where they were making fun of the French team, saying it's the first team that went through the quarterfinal of the Euro without scoring a goal, because two of the goals that allowed us to move forward were like goals against their team. So it's not a French player. The French player kicked it, but he was deviated by. I saw that by someone from the other team. So and that's how we scored. Yeah, well, yeah. Whatever. But whatever works. It was in the end of in the bottom of the net. So that's what matters. And so we'll see. But otherwise, we'll do a live broadcast on KFAI of the event at the Bastille Day. Some music, some interviews, interviews of the musicians who are going to play live, and some of the vendors as well, like the French American Heritage Foundations and some of the schools and things like that. So if it's live, maybe we'll come in the game. maybe we will. All right. Well, we're gonna keep on going with a list about. Front National or, for pro-democracy, I would say. So the first one we're going to listen to on this series is going to be from Les Berruriers Noirs, and it's from the mid to late 80s, I would say. And the title is pretty self-explanatory. It's called La Jeunesse Emmerde le Front National. It's you could say that the youth is pissing off Le Front National. It's more like, but I don't know. It's not easy to translate. Then Noir Désir with Un Jour en France, A Day in France, And Frère Misère with Il Ne Suffit Pas. And Frère Misère is a band that I didn't really know. No, but it turns out that the main singer was Mano Solo. Mano Solo is better known by himself as a solo artist because he's Mano. solo. And not as much. But so Il Ne Suffit Pas mean it's not enough. Okay. So you gotta do more, you gotta do better. That's pretty much the theme of the song. All right. On y va? C'est parti. Je veux vous voir gueuler comme ce soir. Plus jamais ça. une fois, ça me fait de la peine. Il suffit pas de dire, ce sont des gros cons, ils créent de gros articles à sensation. Il ne suffit pas de crier au loup pour ces chiens, cette meute qui rameute en notre sein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils savent mieux que toi faire la guerre. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ah putain, des chansons à la con. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Oh, oh. KFAI is proud to present Music on the Quartile at the Landmark Center in downtown St. Paul. Music on the Quartile presents live performances by talented local musicians on select Wednesdays from noon until 1 p.m. Attendees are encouraged to bring their lunch to enjoy during the concert. Performing on Wednesday, July 10th is Courtney Burton. Courtney Burton is a captivating jazz singer with a passion for the classics. With over 25 years of experience, she infuses soulful renditions of jazz standards with a contemporary twist and bluesy undertones. More information for the Music on the Quartile concert series can be found at the Landmark Center website. Visit www.landmarkcenter.org. Program is supported by Heaven Health, your community health care plan. If you live in Hennepin County and you're eligible for medical assistance or medical care, Heaven Health is here to help with coverage for medical, dental, and mental health care. Additional offers include gym benefits, rewards for visiting the doctor, and easy access to other services you may need. Learn more at heavensandhealth.org. Et voilà, voilà. Back. On KFAI, you're listening to Bonjour Minnesota. Yes, indeed. Every Tuesday, 8 to 10. But if you miss us in both sense of the term, so if you miss the emission because for the show because you've been busy, or if you miss us because you want to listen to us again and again, you can go to archive.org or kfai.org. If you go to kfai.org, you can go in the archive, or you can go to program, and then Bonjour Minnesota, and you get the past 2 weeks that are archived. But on archive.org, which is a free website, and very grateful for that, all the shows since 2012 are archived there. So if you miss a show, you can always go there. So we just listened to three songs. The first one was from Les Berruriers Noirs, with La Jeunesse en Mer de Front National, et moi aussi, et Noir Désir, avec Un Jour en France, and then Les Frères Misère, with Il ne suffit pas. And we're gonna keep going with that playlist of songs that are contestataires. I don't know if the word exists in English, you know, like, yeah, anti-fascist war. Songs. So we're going to listen to Benjamin Biolay with Le Vol Noir, or The Black Flight. Then Michel Fugain with La Bête Immonde, The Very Ugly Beast. And then Pierre Perret with La Bête est Revenue, The Beast is Back. And the lyrics are very, in all cases, very witty and very, very just and very right about human nature. On y va? Allez! Sous les colibés crus, quand le ciel tombe sur la tête, on est toujours pieds nus. ceux-là qui n'ont rien vu au travers le cyclone, aux esprits beaux 100 fois vaincus de siècles avant les drones. Je vous souhaite un masque de fer et de bons casques audio, pour que de cette indignité vous n'ayez pas d'écho. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. À vous les héros de 15 ans à peine, tombés à l'aube qui la veille écrivait vos adieux ivres devint sombre. Prenez une pina colada en compagnie de celle dont vous vous êtes privé pour un lot par une parcelle. À vous les pathologiques menteurs professionnels qui ne savent même pas quel est le bouton pour qu'on freine. Vous ignorez toute de la matière que vous remuez, mais quand se éclabousse, non, nul n'est épargné. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Amis entendus, le vol noir du combo sur la plaine. Tripez-vous d'être QL, mieux dans les blogs, les couteaux de Murène, la pine, c'est pas du qui de graine. Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Elle est vivante, elle a encore la haine au ventre, la rage au corps, la bête immonde. Qu'elle tourne au loin comme un vautour, où rampe et ronge tout autour, la bête immonde. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, là-bas, ici, partout, au cœur de chacun de nous. Elle est l'enfant que la bêtise a conçu avec l'ombre, la bête immonde. Depuis le temps qu'on laisse faire tous les suppôts de son enfer, la bête immonde. Qu'elle a vomi des Gestapo dans toutes les guerres, tous les ghettos, la bête immonde. Que des salauds dans des salons lui trouvent des excuses, lui trouvent des raisons, plébiscitées par les cons. Elle est la fille de la ruse qui naît sur les décombres, la bête immonde. On pleure, pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. On pleure, pleure, des gouttes d'or.

c'est une hydro-discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu, la bête est revenue. Et voilà, voilà, we're back. Yes, we are. So, what did we listen to, Freddie? Three songs, Le Vol Noir. I think it's Le Vol Noir du Corbeau, but I'm not sure. But then La Bête Immonde, and from Michel Fugain. Oh, and Le Vol Noir was from Benjamin Biolay. Ah, okay. Yeah. Which I like Benjamin Biolay. Romain really likes him. He went to see him live, and I've seen him as an actor. I liked him in the part that I've seen. He reminds me a little bit of Javier Bardem. Yeah, a little bit. You know, like very dark. Yeah, Bardem. Yeah, they did Vicky Cristina Barcelona, and and other great movies. Yeah, he's Traffic. Yeah, he's good in that. So the second one was Michel Fugain with La Bête Immonde, and then just now was Pierre Perret with La Bête est revenue. And tonight, in celebration of World War II and all of that, it's an anti-fascist playlist. So the next song that's coming up is a good one too, is one from Michel Sardou. And the name of the song is Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Okay. What would I have done myself? Yeah. And he questioned himself, not like what your family has done or what you would have done, but what would I have done? And he's talking about World War II, you know? He's talking about people having fear, people wanting to survive, black market, you know, and all of that. So that's not not always easy. I think the Un Village Français is one of the series that, to me, was one of the best ones showing not only the occupation, because often the occupation is being seen through like war and spy movies. This series, it's a TV series, is really showing the occupation and the collaboration in a way that makes it very relatable. Like, oh, yes, okay, he gave up like 20 hostages, but if he had not done that, the Nazi would have taken 50, you know? And I mean, make it in a way not justifiable, not excusable, but in a way that it's more relatable and more human. Like, you tend to understand a little bit better some of the choices. Doesn't mean you have to approve them, but it's. I thought the series was very good for that. It was a great series, and it was really showcasing, like, also the path of the resistance, right? Of young people that really took huge risks and had to flee and go live in the forest to not be found, and yeah, it was a really well done series. It's. What was it on? Yeah, it was on. It was in English too. It was subtitled in English. Yeah. So really good. The Un Village Français, a French village, is the name of that series about World War II. Right. And then after the Michel Sardou, we're going to listen to Zazie with Tout le Monde. And then we're going to listen to Suprême NTM with Plus Jamais Ça. All right. On y va? C'est parti. Pardon pour ceux qui l'ont vécu, mais la question n'est pas ce qu'on fait ou ton père ou ta mère dans cette guerre perdue. Non, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi. Cinquante années originales, avec des hauts plus ou moins bas, des amours tendres ou infernales, un jour l'argent, un autre pas. Le désespoir bien ordinaire d'un homme qui ne se connaît pas. Mais si j'avais connu la guerre, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Pardon pour ceux qui ont souffert, mais la question n'est pas ce qu'on fait ou ton père ou ta mère dans les ténèbres de ce temps-là. Non, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi. Je pense à tous les humiliés par cette étoile qu'ils ont portée. Parce que ça s'est passé chez moi, je pense à ceux qui ne sont plus là. Notre avenir a un passé, la mémoire n'est pas dépassée. Mais le pardon ne suffit pas, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Aujourd'hui, choisir le bon côté, c'est sûr. Beaucoup voulaient sauver leur vie, beaucoup s'inclinaient par nature. Quelle sorte d'homme aurais-je été? Celui du rail et du Vercors, ou bien ce gamin abusé, jouant à la guerre, jouant à la mort. Pardon pour ceux qui l'ont vécu, mais la question n'est pas ce qu'on fait ou ton père ou ta mère dans cette guerre perdue. Non, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi, mon Dieu. Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Yeah. tous pas de ce retour au même schéma. Mais on n'est tous pas de ce retour au même schéma. Non plus jamais ça, seulement voilà là. Il semblerait que des cadavres les caractérisés soient relevés. Dans l'entaprouvé qu'avec facilité, hey. Les erreurs du passé pas se renouvelaient, hey. Faire l'affaire des supporters de la croix, de faire le bras tendu en l'air, le sigle rebelle en bannière. Bom, bom, bang, man shoot, moi ça double R. Avec plaisir, je les shoot dans la tête, mais ma terre nationale et ce front international, l'affront. Voilà pourquoi je fais front, fronçant les sourcils quand le drop sénile s'amuse à faire un score de 25% dans ma ville. Ah, plus jamais ça stoppe en tout, ça stoppe en les morales. J'ai cérébral et l'embolie, vous avez compris. Vous avez saisi, ressaisissez-vous. La jeunesse doit être à l'heure, au rendez-vous. Fixé, en effet, pour pisser sur la femme tricolore. Le putain des tentacles du parti n'est pas moi. Trop hardcore, mais j'aimerais les voir morts. Je rêve parfois de les voir en victime martyr dans un film gore. Oui, oui, vous avez compris qui je suis. Je combat ceux dérangés par les odeurs et les bruits, car on est tous là de ce retour au même schéma. Auquel on avait déjà répondu, plus jamais ça. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Non, cette fois, non, pas question et non. Mais aussi de toi. Faut qu'il reste sans voix. Prendre un caisse pour y sortir continuellement le droit de tenter. Ouais, de marcher le droit. Ouais, d'avoir pris la voix. Ouais, par la suite. Ouais, puis d'essayer. Ouais, de computer certains éléments de notre passé. Alors ne laissons pas le temps. Non, prendre les devants. Non, ne laissons pas le temps. Non, allez en refermant toutes les blessures de ce cas de figure. Qui n'en avait pas simplement la leur, mais qui fut la prochaine d'une idéologie de mort. De mort. Que fait l'épuration ultra épique. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. De ce retour au même schéma, mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mathématiquement, c'était sûr, ce passé chargé n'a jamais ce qui est plus sûr. Pour le futur, c'est qu'on aura droit à ce même climat, à ce même climat, à ce même climat. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Et voilà, voilà. Yes, we are back on Bonjour Minnesota. And we just listened to three songs. We listened to Michel Sardou with Qu'est-ce que j'aurais fait moi? What would I have done? And he was alive from 98 in Bercy. Then after that, it was Zazie with Tout le Monde, and Supreme NTM with Plus Jamais Ça, Never Again. So then we did the announcement, and now I'm going to talk a little bit about the events coming up. Well, there's not much. Actually, the next event that's organized by the Alliance Française is on Wednesday, July 10th. It's Les Navigateurs de la Littérature, and it's a book club. It's online, and it's conducted by the Alliance Française. It's a book about, it's a book for Maryse Condé, and it's called Victoire, les saveurs et les mots. And it's from 2006. So I recommend you can either go to the Facebook page, but you can also go, and I would recommend that because I don't see a link for it, to go to afmsp.org, because I do believe it's an online book club. Yeah, they are talking about Zoom, but they don't put any link. So, yeah, you can go to afmsp.org. Then the two other events I would like to talk about are Bastille Day on the 14th. So Sunday the 14th, Bastille Day will be between 3 p.m. and 7 p.m. at the Alliance Française itself. So if you want more detail and more, I mean, like, the schedule is at afmsp.org, because you can see the vendors that are going to be there, like, will be one of them, but you can see also the bands, the live music, like the various bands, and that's pretty cool. There's going to be like Maud Caillé Quartet, there's going to be Francine Roche Trio, there's going to be Afro Contigbo, and between 6 and 7 there's going to be Well in the Thames. So our friends from there, and that's going to be fun. Then there's going to be some crepe and face painting and Boulangerie Marguerite and a lot, like Nicolette Macaron, and a lot of good stuff. So that should be fun. And then after that, the same night at 8 p.m., there's the French Transmission Dance Party. And I believe it's also at the Alliance Française. It's not, I believe that it is. And it's Transmission with Jake Rude, and, you know, normally does like new wave, indie rock, Britpop, funk, garage and stuff, but it's going to be especially French music, so that's going to be cool. There's a small fee, and if you register online, you can a little bit in advance. It's less than if you register on the same day. And there's going to be booze. But afmsp.org, and you can have more specific. And we'll talk more about it in details next week. Can you be there next week? Will you be there next week, Adrian? Do you know? Yeah, I think so. Yeah, because Suzanne's going to be there. So yeah. Suzanne Smorowski is going to be our guest. Yeah, pour Les Lumières. Yeah, Les Lumières Françaises. So Suzanne is the executive director of MSP Film Society. And she usually comes in March or April to talk about the MSPIF, the International Film Festival. But in July, we have the Festival du Cinéma, Les Lumières Françaises. And this year, it's going to start on July 12 and end on July 18. So so exciting. Yeah. The International Film Festival, there's often a lot of movies in French. Yeah. And French-speaking movies. It doesn't necessarily have to be like from France. There's often like other countries that are represented, like Belgium or Switzerland. Mm-hmm. But Les Lumières Françaises is French-speaking movies. So she's going to talk about the festival and the dates and the tickets and the selection of movies. Mm. I see L'Île Rouge. I see Sisterhood, I see Black Girls, plus Bottom Saret, Sambene, so these are African movies too, Marguerite's Theorem, Widow Clico, so that should be The Rapture, should be interesting. So often, like, she also highlights some of the ones that she really likes. So, yeah. So, yeah. Exciting. It is indeed. So tune in next week if you want to hear more about the French Francophone Film Festival in Minneapolis-Saint Paul. Usually the main theater is kind of the headquarters, so by Saint Anthony Main. Yeah. Is kind of the epicenter of the film festivals that Suzanne has been coordinating and directing. Especially for Les Lumières Françaises, because Les Lumières Françaises doesn't last as long as the International Film Festival. For the International Film Festival, they sometimes go to the Capri or they go to Rochester, but here it's mainly at the Main Cinema on Main Street. And so you can go to mspfilm.org, and if you click on festivals and plus programs at the bottom, it shows Les Lumières Françaises, and then you can see the selection. And I'd like to add something that maybe some of the listeners wouldn't know if they haven't been to those festivals before. Usually there is a really great community, so you don't have to, but if you arrive early, often you'll find someone you may talk to, you could get a coffee and then visit with someone else in the same area. So it's very, that's important. I feel like that's an important part of festivals, is that you get to meet people that are passionate or that are just curious about that have the same interest, and that may be their first time as well, or they might be veterans. I met all kinds of people, you know, and that's, to me, that's like nearly half the fun. And then once you're in once the lights turn off, boom, the show starts, right? And you don't exactly know what you're into because those movies often you've never heard of. They are like early. Yeah. I mean, they didn't come out in theaters. They didn't come out, yeah, exactly. And so it's always like kind of that surprise effect, and then you can kind of debrief with people what they thought about it. Well, yeah, and often, I mean, in lots of cases, and it's specified on the website if there is, if they can have like the filmmaker or someone in attendance to do a Q&A, they do systematically. I mean, if they can have them, so that's a good time. What was some of your favorite movie from this spring from the International Film Festival? I'd say there was two that was were important. There was The Beast with Léa Seydoux. That was really interesting. And plus there's part of the movie where the action is happening in Paris in 1910 when they had the big flood. And so that was quite interesting. And the other one was a documentary about LASIK surgery that kind of scared the heck out of me. LASIK gone wrong. Yeah, that was totally it. And that was like it was a documentary and trying to uncover what the surgeons were not talking about, what the place who offers LASIK do not talk about, because they don't talk about their failures. They always tell you, oh, there's so much success, you know, like it's 99.whatever%, and no, there's some people who have like really grave consequences of it, and in the end up being worse, not just going back to what they were, but really worse, like headaches and dry eyes and not being able to drive at night. Debilitating and disabling. So those are the two that I really remember. Yeah, and to me, just to show the variety of, you know, of different genre you can really find, I watched one. So the two that I remember best are, one was French, and it was like an animation movie. Yeah. And it was called Chicken for Linda. And Linda is this young girl. She's probably 8 or 10. And she's being raised by her single mom in a suburb of Paris. And they're not very wealthy. But it's her birthday. And she's raised by a single mom because, unfortunately, she lost her dad at a young age from a disease, you know. And so she it's her birthday, and the two ladies are kind of growing together in a way, and the mom, and she's like, for my birthday I want roasted chicken, and the store is closed. And so there, it's a goose chase. It's not a chicken chase, but it's like a goose chase around Paris for chicken, and they get themselves into all sorts of situations. I bet. And it's hilarious, and everybody was laughing in the, and it's a little bit in Italian too, because the dad was from Italy, so that's why she's called Linda. And it's a very cute animation film, very well made. And then the other movie, it was actually a documentary that was one of my favorites, and that was about Henri Boucher, and the name of the documentary, it's now available on PBS, and I recommend it. It's about an hour long, and it's about the Electric Indian. And so he's Native American from War Road, and his name is Henri Boucher. If you're a fan of hockey, you must have heard his name. He is in the Hall of Fame now. Easy. And he was the first Native American to be in the Hall of Fame in the 70s. Wow. And he was working for the North Stars, which were prior to the Wild. Right. So a huge history, and he grew up in War Road, which is a huge hockey town, obviously. And so it's about his life, and he just passed away about 6 months ago. Okay. And so his granddaughters wanted to have... They used a documentary, and the granddaughters were in the audience, and they were answering questions about their grandpa. And it's really intimate, and it's really showing how much of a simple life he lived and how great of a man he was. Mm-hmm. Well, that's cool. Yeah, so discovering new movies, mspfilm.org. All right, should we play more music? Yeah. All right, so still... anti-fascist songs. This one is from I Am, another rap band. This time they're from Marseille instead of Paris. And the name of the song is Message à Le Pen. The message to Le Pen. That's pretty direct. Yeah, pretty direct. And it's alive. And then we're going to listen to Diams with Marine. And that was directly addressed to Marine Le Pen. It's from Alive in 2006. And then Zebda with La Bête or The Beast. And just after La Bête or The Beast, there's JMLP, the initial, which stands for Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, the founder of the far-right party of the Front National. Yeah, one of the co-founders. The other one was was in the Waffen-SS. Yes, the other one was a Nazi. So, all right, on y va? All right, c'est parti. Merci. Il y a environ 2 ans, on était en studio, mais il s'est passé un événement majeur, je pense, dans notre pays, où on s'est fait remarquer absolument dans le monde entier. Le Pen est arrivé au deuxième tour des élections présidentielles. Comment dire ? C'est la Hachem dans le monde entier, quoi. Voilà. Et nous ? On se devait d'en parler. Forcément. Ce jour-là, on a écrit ça. Et Jean-Marie, Bruno et son sort. Crois-tu être plus propre que moi ? Que ce serait mieux si c'était autre que moi ? Pour croire que c'est ton heure, après vas-y à l'écran que ce mois. Elle n'aura plus après, ici pas, c'est comme le close combat. Rien n'a changé, même discours toujours les roses combats. Où est-ce qu'on va? Nos convictions expirées. Trahis par nos pères, sa petite crise sont les premiers à se faire virer. Je me trouve là et là, elles sont brutes que j'en ai retiré. C'est que ce pays est une grosse pompe qui rêve de se faire cirer. Je veux pas voir nos gosses à genoux en GAV. Vend les fils à Poussard, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans tout ça? J'ai pas le sang bleu gaz, je suis issu d'une famille modeste. Émigré de Naples, malheureusement, point à retourner nos vestes. Ça paraît simple, on n'a pourtant pas de mal à faire commerce. La vie c'est ça, regarde comment nos pères et mères conversent. Électrochoc maintenant, admirant ce point de force converge. Mentalité de résistant face à celle de grosses concierges. Je garde le cap, car ton putain de camembert. Il rime avec mère et charter, ça gêne, moi je t'emmerde. Vivre ici, je crois pas que j'ai bien la chance qu'on a. Mais moi je suis cash, j'ai pas question pour ça de vendre mon arme. Je braque mon arme, mon stylo et ça passe au mat. Prie mon maître pour qu'il éclaire ceux qui sont dans le coma. Je m'assume, végète pas dans une fosse jaunâtre. Mes gosses sont croisement de doigts, c'est une sauce tomate.

que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine, j'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes, je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme, ne sois pas de ces fous qui défendent le diable. Marine, j'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues, il a pas de molaires, il a que des canines. Les commerces disent de lui qu'il est né en par le vu. J'ai vérifié l'info, il a pas de racines. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues, il a pas de molaires, il a que des canines. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues, il a pas de molaires, il a que des canines. Savoir ce que c'est la vie conjugale que peut mener cette tare congénitale. Ah ah, ah ah. Cet individu est né à l'insu de ses parents. N'allons pas plus loin disant que c'est un accident. Ah ah, ah, ah. Je verse quelques pièces sur ce dossier nauséabond. Ah bon? Pourquoi tant de haine à l'intérieur d'un embryon? Tout? On s'est posé les plus grandes questions à son sujet. Pourquoi faut-il qu'il pèse dans ce corps rien d'un sifflet? Un peu comme un lèvre du dindon. Il a un grain qui prend sous le menton. C'est pas rugueux, c'est visqueux. Il a les ailes vides du triton. Quand on a baigné dans du jus de citron, il est moche, il est affreux. Tabliya madame, mama ilio, mama ilio, mama ilio. C'est évident dans le monde, comment je m'autorise à rester debout au milieu d'une cour d'assises. Tabliya madame, mama eh, bambaliya mama eh. Tabliya madame, mama eh, bambaliya mama eh, mama eh. Poisson, disons, on veut pas de lui. On aime mieux finir en bouillabaisse ou même frit. On s'est posé les plus grandes questions fondamentales. Est-il végétal, animal, fruit du cul, anal? Les piranhas, même les poissons, chats préfèrent la moco qu'à dit ça. Ça c'est pas étonnant, c'est même évident. À l'assemblée, on lui dit casse-toi, dégage. Si tu feras pas la loi, ta mère fait que du vent. Tabli à madame, mama ilio, mama ilio, mama ilio. Tabli à madame, mama ilio, mama ilio, mama ilio. C'est évident dans le doute, moi je m'auto. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues, il a pas de molaires, il a que des canines. Les commères disent de lui qu'il est né en par le vu. J'ai vérifié l'info, il a pas de racines. Les oreilles, ça va, mais c'est à l'intérieur. On y trouve un dépôt un peu surnaturel. Vous qui êtes normal, vous appelez ça du miel. Un jour, il va hériter d'une fortune tout à fait. Un bouc, un bouc. Y'a rien à faire à lui, tout seul, il refait l'atmosphère. plus. Il sait que il renacle, il dégage, il m'a lâché, il m'a serre. Il ferme ta souhait, tu veux te réveiller, tu veux un coup de fouet. Approche, approche. KFAI, we've noticed an odd trend. It's the makeup that looks like you're not wearing makeup. That people want something that they don't really want. It's the cooker that helps you not cook. Like algorithm program commercial radio. They want to be popular, but they don't want to look too mainstream. It's the most unfashionable fashion out there. At KFAI, we aren't worried about the complexities of algorithm-driven mega marketability. We just want to make great radio. I want to be trending on social media, but still have my privacy. So if you'd like to help, go to KFAI.org. You can volunteer, tell others about the cool things we do, or make a tax-deductible donation. It's the smartest tech out there, but won't use AI. And support non-commercial, community-powered radio. KFAI is proud to present La Dame Blanche at the Cedar Cultural Center on Friday, July 19th. With her always expanding and singular mix of hip-hop, female empowerment, dancehall, and catchy beats, singer, flautist, and percussionist La Dame Blanche delivers a powerful and compelling sound that summons the spirits. Tickets for La Dame Blanche can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. We are back. Et voilà, voilà. So, what did we listen to, Freddy? Well, we listened to three songs. The first one was from I Am, a band from Marseille, a rap band from Marseille, with the song called Message à Le Pen. Then after that, it was Diams with Marine, like the name of Marine Le Pen, his daughter, and Zebda with La Bête, Jean-Marie Le Pen. And yeah, and it's 9:30, and we still have about half hour, so we're going to keep on listening to more songs. So we were talking about Jean-Marie Le Pen and his daughter, and now she passed on the direction of the party to someone, Jordan Bardella, who's not directly, I mean, the name of Le Pen is not there anymore. So that makes them look like a little bit better, and yeah, he looks like Monsieur Tout Le Monde, like he's youngster of 28, things like that, looking clean and stuff like that, where, you know, Jean-Marie Le Pen was like really the old vet with like a glass eye and with like some accusation of having torturing people in Algeria. So they really did a very tough job in cleaning up the image of the party. But they're still your racist bunch, so that hasn't changed. So we're going to keep on listening to songs about it. We're going to listen to Trio, which is a little bit reggae, and it's very nice. They're from the South, too, I believe. And it's called Marinella. Marine is here. Then another song from Zebda, and it's called Motivé. And this song is kind of like a cover. I mean, they changed some of the lyrics, but in the background, the theme is Le Chant des Partisans, which is Le Chant des Partisans is a song that was created and invented and sung during World War II for the resistance. So, and there, when they talk about motive, is like the motivation is to go vote, you know, like you can do something about it. And then we're going to listen to Saint-Emilia, and they are from Marseille, with La Flamme. And the logo of the Front National is a flame. Like, and you know where that flame comes from? I've seen the video, yeah, a video from an Italian party that had the exact same flame, but with the green instead of the blue. Were they a fascist party? Or yeah. That was the time, too. All right. So we're going to listen to that, and we'll come back after that. All right. On y va. Pendant que la France sous ses tripes, Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique et se met sur son 31. Marine a ôté son brassard et débarrassé les complexes. La France, pays de franchouillards, Marine a gardé les réflexes. Pendant que l'on digère Vichy, Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique et travaillé son coup de rein. Pendant que la France s'agite, Marine joue au sous-marin. Un peu à gauche, un peu à droite, elle fait des vagues dans son bain. Main de fer pour gants de velours, tout en sourire, cœur sur la main. C'est la haine qui parle d'amour, c'est le rosier dans le purin. Pendant que la France s'agite, Marine joue au sous-marin. Un peu à gauche, un peu à droite, elle fait des vagues dans son bain. De son papa. Pendant que les gras de papier s'excitent, Marine joue de la mousse dans son bain. L'étoile jaune, c'est du passé, et Marine s'en lave les mains. Marine a ôté son peignoir et va se couvrir de parfum. C'est pas Jaurès, c'est pas Weimar, c'est pas Sarko, c'est pas Pétain. Pendant que les journaux s'excitent, Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique, un peu maîtresse, un peu Quentin. De son papa, Marine, Marine, Marine est là. Tout le crachin de son papa, Marine. Que cette fille a l'air sympathique, c'est le portrait de son papa. C'est que le bagou, c'est génétique, et les chiens ne font pas des chats. Que cette fille est sympathique, on lui ouvrirait bien la porte. Malgré les discours populistes sur l'étranger, sur l'Europe, Marine se fait une toilette et les chiens ne font pas des chats. Elle reste terreur en goguette, tout le portrait de son papa. De son papa, Marine, Marine, Marine est là. Marine est là, Marine est là. Tout le crachin de son papa, Marine, Marine, Marine est là. Marine est là, Marine est là. Tout le crachin de son papa. Motivé, motivé, motivé. Soyons motivés. Je reviens exprimer mes peurs et ma colère, je ressens l'urgence. Même si ma peau est claire, j'entends les gens dire oula. Les fachos reviennent, ces gens-là n'ont pas tort, mais sont en retard d'une guerre mal les fachos. Ha! Les fachos sont là, s'il faut le voir, pour le croire, ouvre les yeux, regarde les fachos. Ha! Les fachos sont là, rends-toi compte du danger, on relit des livres d'histoire. La flamme. La flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits, le feu a pris. Faut-il que tout le pays brûle pour qu'on combatte l'incendie? La flamme. La flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits, le feu a pris. Cette flamme n'éclaire pas, elle nous plonge dans la nuit. Sauf que 50 ans après, le diable ne parle plus allemand. Son immonde blabla, il le gerbe en ses français mots. Sans que la mort est bien hantée, mes tympans. Il faut la réduire au silence pendant qu'il est encore temps. Ça fait trop longtemps qu'ils avancent. Je la vois au pouvoir dans certaines grandes villes de France. Ça fait trop longtemps qu'ils avancent alors. J'en appelle à la résistance. La flamme. La flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits, le feu a pris. Faut-il que tout le pays brûle pour qu'on combatte l'incendie? La flamme. La flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits, le feu a pris. Cette flamme n'éclaire pas, elle nous plonge dans la nuit. Et France, réveille-toi, réveille-toi. Et France, réveille-toi. Réveille-toi, et France. Réveille-toi, réveille-toi, et France. Réveille-toi. Ah. On vient pour pisser sur la flamme, pisser sur la flamme, pisser sur la flamme. On vient pour pisser sur la flamme. Je rappelle que pisser sur la flamme, pisser sur la flamme, pisser sur la flamme. On vient pour pisser sur la flamme. Je rappelle que pisser sur la flamme, pisser sur la flamme, pisser sur la flamme. On vient pour pisser sur la flamme. Je rappelle que pisser sur la flamme. Pisser sur la flamme, pisser sur la flamme, on vient pour pisser sur la flamme. Réveille-toi, réveille-toi, et France. Réveille-toi, réveille-toi, et France. Réveille-toi, réveille-toi. Cette flamme nous plonge dans la nuit. Réveille-toi. Et voilà, voilà. Yay! So, you're still listening to Bonjour Minnesota, and we just played three songs. What did we listen to? We listened to Trio with Marinella. Marinella, like Marine, is here. And then Zebda with Motivé. You gotta be motivated and go vote. And Sinsemilia with La Flamme. And they're kind of getting the flame down, like make it die down. Mm-hmm. By peeing on it. So, like at camp? Yeah. Yeah, exactly. So all the songs are against the extreme right. And yeah, I mean, my grandfather didn't hide for 4 years trying to stay alive for me to vote for the same people who created the party. So, so we're going to listen to Rachid Taha. Okay. The song we're going to listen to is Voila Voila, Here, Here. And he pretty much said that they are coming back. And he's talking especially about the south of France, which you're familiar with the situation. Yeah. And then Yannick Noah with Ma Colère, or My Righteous Angriness, or Being Angry. And then Rachid with Le Petit Beurre, which is not necessarily again extreme right, it's more about like about his situation, about being a son of immigration in France and not having the same skin color and things like that, and not being a choice. So on y va. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, voilà que ça commence. suffit. Faut dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout, partout les discours sont les mêmes. Et étranger est la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, oui, ça avance. Voilà, voilà. Amnésique. Ma colère n'est pas naïve. Ma colère aime la République, mise en combat toutes les dérives. Ma colère croit en la justice. Ma colère n'est que citoyenne. Ma colère n'est pas un vice, car elle combat toutes les haines. Ma colère aime la tolérance. Ma colère ne triche jamais. Ma colère fait la différence entre une cause et ses effets. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. N'est pas stratégique. Ma colère est sans défense. Ma colère n'a pas de rhétorique pour insulter l'intelligence. Ma colère n'est pas un mensonge. Ma colère est pleine d'espoir. Ma colère n'est plus un songe quand tout le rêve est un cauchemar. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Voudrais bien m'appeler Jonathan, que mon nom sonne comme un nom d'oiseau. Si dans mon cœur les fleurs se fanent, c'est parce que le bon Dieu a tout faux. Pourrais avoir les yeux plus clairs et les cheveux un peu moins noirs. Seulement moi je ressemble à mon père et ça, ça plaît, c'est mon histoire. Je suis un petit peu. Moi ça ressemble à un placard. C'est vrai que je suis jamais allé dans ces pays pleins de lumière, où il y a partout des orangers, où il fait chaud.